بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue aujourd'hui, inshallah ta'ala, la lecture et le commentaire de ce livre très bénéfique, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. On est arrivé à la parole de l'auteur lorsqu'il dit « Babu ma ja'a fi ar-riya » le chapitre concernant les textes liés à l'ostentation. Ce qui est voulu ici, c'est déjà les textes montrant l'interdiction de l'ostentation. Car certes, l'ostentation fait. Donc, l'ostentation s'oppose, contredit le tawhid. L'ostentation contredit le tawhid, soit de manière totale ou partielle. De manière totale, c'est-à-dire que la personne, donc cette ostentation, fait sortir de l'islam. Si c'est une ostentation profonde, c'est-à-dire que la personne à la base de son œuvre ne la fait pas du tout pour Allah tabaraka wa ta'ala. Comme l'ostentation des hypocrites, al-munafiqoun. Ils vont prier, ils vont faire des actes d'adoration, mais la base de cette adoration n'est pas pour Allah tabaraka wa ta'ala. Conclusion, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit des hypocrites, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Certes, les hypocrites sont dans le plus bas degré de l'enfer. Et l'ostentation peut être une ostentation donc, qui va partiellement s'opposer au tawhid. Et donc, elle va s'opposer à la perfection du tawhid. La personne qui accomplit un acte pour Allah, tabaraka wa ta'ala, mais qui ensuite, dans l'accomplissement de cet acte, va être touché par l'ostentation. Qu'est-ce que l'ostentation à la base? L'ostentation, c'est le fait que l'individu embellisse son acte d'adoration pour les gens, en recherchant leurs éloges ou autres. Et donc la personne va embellir son acte d'adoration pour les gens, pas pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est l'ostentation. Est-ce qu'il est permis, donc, de réciter le Coran en pleine prière de Tarawih en embellissant sa voix, de sorte que tu aies une belle voix quand tu récites le Coran? Oui, c'est permis d'embellir pour les gens? Pour les gens, non. Pas pour les gens. Alors, est-ce que c'est permis? Il y a un cas où c'est permis d'embellir. D'embellir pour les gens? Mais c'est pas dire, c'est pour la préhension. Qu'il fallait embellir le Coran quand on l'a récité, de manière générale. Donc, moi, c'est pas... Mais là, c'est pour les gens. Est-ce que c'est permis? Non, pour les gens, non. Là, on rentre dans l'ostentation. Alors, il y a un détail ici. Il y a celui qui va embellir sa voix, embellir sa récitation pour que lui, il ait... qu'il soit plus concentré durant la prière et aussi pour que les autres personnes qui prient derrière lui soient plus concentrées. Parce que lorsque la personne récite et fait une belle récitation, cela facilite les prières afin qu'il se concentre. Et c'est pour ça d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a été cité donc, dans le Sahih d'Ibn Hibban, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à côté de Abu Musa al-Ash'ari alors qu'il priait. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit à Abu Musa, لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت من مزامير آل داود. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Musa le lendemain, si tu m'avais vu hier soir, lorsque j'ai entendu ta récitation, certes, il t'a été donné la beauté, une part de la belle récitation de Al Daoud, la famille de Daoud. ou de Daoud directement. À ce moment-là, Abu Moussa, lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça, il a dit « Law alimtu annaka tastami'u li qira'ati la habbartuha laka tahbiran » Il a dit « Si je savais que tu écoutais ma récitation, je l'aurais embelli pour toi. Je l'aurais embelli pour toi. » Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas fait le reproche. Et donc, il est permis à l'individu d'embellir sa récitation pour aider les gens à être plus concentrés dans la prière, etc. Mais si c'est pour rechercher les éloges des gens, alors là, c'est interdit. C'est interdit. Et l'ostentation, barakallahu fikoum, elle va avoir un impact sur les œuvres. Et donc, premièrement, on regarde. Est-ce que ce qui a poussé à l'ostentation, est-ce que c'est une ostentation qui est la base de l'œuvre, ou alors la base de l'œuvre, c'est le tawhid? Premièrement, si la base de l'œuvre, c'est l'ostentation, l'œuvre, elle est caduque. C'est-à-dire que la personne, elle va prier, mais la base de sa prière, c'est pas pour Allah. C'est pas du tout pour Allah. C'est pour les êtres humains. Toute cette prière, elle est caduque. Mais maintenant, si la personne, elle fait sa prière pour Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'ensuite, elle est éprouvée et touchée par l'ostentation, alors là, il y a plusieurs situations. Ou du moins, on va avoir deux situations. Première situation, l'ostentation arrive et la personne repousse cette ostentation. Elle est en train de prier. Et pendant que Issa prie, par exemple, il y a Souleymane qui arrive. Et donc Issa, il va être touché par l'ostentation. Ah, donc Shaitan qui vient. Si tu récites bien, peut-être que Souleyman va te faire des éloges, etc. Va dire que, mashallah, Issa, tu as progressé, etc., etc. Issa va être touché par cette ostentation. Pour l'instant, il n'est pas blâmable. C'est sa réaction qui va faire qu'il sera blâmable ou pas. Et donc, lorsque cela l'a touché, Issa, son réflexe, tout de suite, « A'oudou billah minash shaitanir rajim » Il rejette l'ostentation. Et continue à faire son œuvre pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, à ce moment-là, son œuvre reste valable. Il n'y a pas de mal. Sa prière, elle est valable. Deuxième cas, s'il persiste avec l'ostentation. Il continue son acte d'adoration avec cette ostentation. Alors là, on va avoir encore deux cas. Donc la personne qui persiste avec l'ostentation, on a deux cas. Le premier cas, c'est que cet acte d'adoration que la personne accomplit est distinct, est bien distinct d'un autre. Alors, à ce moment, c'est juste la partie, donc l'acte d'adoration qui est touché par l'ostentation, qui va être caduque et pas l'autre. Exemple. On est dans la mosquée, ici, et je décide de donner une sadaqa, 50 euros pour la mosquée. Et donc, je mets dans la tirelire de la mosquée, je mets 50 euros. Lillah. Ensuite, je me dis non, je vais mettre plus. Je viens pour ajouter encore 20 euros. Et là, il y a Souleymane qui rentre dans la mosquée. Et donc, Shaitan, il vient, ah, si tu mets 20 euros, Suleiman va faire tes éloges, etc. Mashallah, tu donnes des sadaqat, etc., etc., etc. Et cette mauvaise intention n'a pas été repoussée lors du moment de payer les 20 euros ou de mettre les 20 euros dans la tirelire de la mosquée. Et donc là, il y a 70 euros qui ont été donnés dans la mosquée. Les 50 euros qui ont été donnés premièrement, il n'y a pas de mal, c'est bien. Par contre, les 20 euros qui suivent, cette aumône n'est pas acceptée. Parce que c'est une aumône ostentatoire. C'est une aumône ostentatoire. Mais les 50 sont bien distinctes des 20. Les 50 ont été donnés avant. Ils sont bien distincts des 20. Et donc, il y a bien 50 euros qui sont acceptés et les 20 autres qui ne rentrent pas dans les conditions d'acceptation des œuvres. Mais par contre, lorsque l'acte qui a été touché par l'ostentation n'est pas distinct d'un autre ou des autres actes, alors là, c'est tous les actes qui sont liés à cette ostentation qui vont être caduques. Exemple, la prière. La personne, elle est en train de prier et pendant qu'elle prie, elle est touchée par l'ostentation. Pendant qu'elle prie, elle est touchée par l'ostentation. Elle n'a pas rejeté cette ostentation, elle a continué avec l'ostentation. Alors là, c'est toute la prière qui n'est pas valable. Toute la prière. Même si tu me dis, la première rak'at, il y avait ostentation, la deuxième, il n'y avait pas. On va te dire, est-ce que la première rak'at, elle est distincte de la deuxième ou bien elles sont liées toutes les deux? Elles sont liées toutes les deux. Pour que toutes tes rak'at soient valables, pour que ta prière soit valable, il faut que toutes tes rak'at soient valables. Si toutes les rak'at ne sont pas valables, la prière n'est pas valable. Et donc ici, la personne, elle a été touchée par l'ostentation dans sa dernière unité de prière, ou la première, ou une autre, toute la prière n'est pas valable. Toute la prière n'est pas valable. Et donc, l'ostentation, c'est quelque chose de très dangereux. C'est quelque chose de très dangereux. Nous devons vraiment nous méfier de cette maladie. Cette maladie qui va toucher qui, les frères ? Cette maladie qui va toucher les pieux, cette maladie qui va toucher les adorateurs, l'ostentation ne va pas toucher le dealer pendant qu'il est en train de dealer. Il ne va pas se dire, ah si je deal, peut-être que les gens vont penser du bien de moi, nanani. Non, l'ostentation ne touche pas celui qui a quitté la prière déjà, il a quitté la prière. Et donc l'ostentation, ils disent les ulama, c'est la maladie qui touche les pieux. Et donc il ne faut pas croire que sous prétexte qu'on vient à la mosquée, on fait nos prières, on est là, on cherche à apprendre, qu'on est arrivé. Non, tu peux être touché par une maladie qui annule tes œuvres. Et donc il faut qu'on fasse attention à chaque œuvre qu'on accomplit. Voilà pourquoi il a été rapporté de certains des pieux prédécesseurs, certains salafs, qui disaient « Mais jahadtu nafsi ala shay'in » Je n'ai pas fait d'effort sur moi-même comme je l'ai fait pour mon intention, car celle-ci changeait. Et donc ton intention au début, c'est t'as une intention au début et après ton intention peut changer. Et donc tu dois faire des efforts sur toi-même pour garder la bonne intention. Et donc l'auteur ensuite qui nous cite, après avoir cité le nom du chapitre, il nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. La fin de sourate Al-Kahf. Dit, certes, je suis un être humain comme vous. Il m'a fait révélation que votre divinité est une divinité unique. Celui donc qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse alors de bonnes œuvres. et qu'ils n'accomplissent et qu'ils n'accordent aucun associé à son Seigneur dans l'adoration. Et donc ici, il y a plusieurs points importants dans ce verset. Premièrement, ce qui est cité, donc « Kul innama ana basharum mislukum » dit « Certes, je suis un être humain comme vous ». Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un être humain comme nous. Il ne mérite pas l'adoration. Il ne mérite pas l'adoration, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la différence qu'il y a entre nous et lui, il la cite après. « Yuh'a ilayya annama ilahukum ilahum wahid » Mais moi, il m'est fait révélation que votre divinité est une divinité unique. Et donc, de la même façon que nous avons une seule divinité, un seul Dieu, notre adoration doit être faite pour un seul. C'est pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors, celui qui espère rencontrer son Seigneur, celui qui espère le paradis, celui qui espère être récompensé, tous ces actes d'adoration doivent avoir deux conditions obligatoires. Deux conditions obligatoires qu'on trouve dans ce verset. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Alors qu'il accomplisse de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce sont les œuvres qui sont en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les bonnes œuvres. Contrairement aux bid'ah, les innovations qui sont de mauvaises œuvres. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Et qu'il n'accorde à son Seigneur aucun associé dans l'adoration. Et donc là, la deuxième condition qui a été citée dans ce verset, c'est l'unicité, le tawhid, le fait que ton acte d'adoration soit voué à Allah tabaraka wa ta'ala de manière pure. Et donc on doit forcément avoir remplir deux conditions lorsqu'on adore Allah tabaraka wa ta'ala. La première condition, tawhid, le fait d'adorer Allah seul. Et la deuxième condition, c'est donc le fait de suivre la sunna, de se conformer à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, « عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال تعالى أنا أعنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu marfou'an, donc il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah le très haut a dit je suis celui qui se passe le plus du polythéisme. Quiconque donc accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe à un autre, je le délaisse lui et son polythéisme. Lui et son association. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque la personne elle accomplit un acte dans lequel elle accorde à Allah un associé, Allah délaisse la personne et elle délaisse son œuvre. Et donc ça aussi c'est une preuve qui montre que l'œuvre dans laquelle il y a du polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur, cette œuvre elle est caduque. Et donc on doit faire attention à ne pas nous fatiguer dans des actes caduques. Comme ils pleuraient certains de nos pieux prédécesseurs lorsqu'ils se rappelaient de cela. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة Des visages ce jour-là seront avilis, tristes, alors qu'ils accomplissaient beaucoup d'œuvres. Ces gens-là accomplissaient beaucoup d'œuvres. Ils se fatiguaient, mais c'était des œuvres qui ne leur étaient pas profitables. Lorsqu'ils récitaient ça, Abu Bakr radiallahu anhu, ils pleuraient. Ils pleuraient. Parce que ces gens-là, ils avaient peur. Ils avaient peur. Mais nous, aujourd'hui, tu parles de ça à certaines personnes, mais non, alhamdoulilah, moi, franchement, toutes mes œuvres, lillah, yazza, wajal, lillah, alhamdoulilah, moi, j'ai pas de problème d'ikhlas, d'ostentation, des trucs comme ça. Les meilleurs de la communauté, ils te disent, je n'ai pas fait d'effort sur moi-même comme je l'ai fait pour la niya, pour l'intention. Aujourd'hui, tu as des gens qui te disent, mais non, c'est rien du tout, franchement, ça c'est bon. Et donc, oh chers frères, nous devons faire très attention à ce sujet qui est très lourd et dangereux. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah wa an, Abi Sa'idin radiallahu anhu marfu'an, Ala ukhbirukum ma huwa akhwafu alaykum, ma huwa akhwafu alaykum indi min al-Masih al-Dajjal. D'après Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis-je vous informer de ce qui me fait plus peur vous concernant, qui me fait plus peur que le Messie Dajjal vous concernant, puis-je vous informer de cela? Il dit, Bala, mais bien sûr, au messager d'Allah, il a dit, Ash-shirkul khafi, le polythéisme caché. L'association qui est cachée. Elle est cachée, cette association. Elle n'est pas apparente. Tu ne vois pas que la personne elle est en train de prier pour un mort. Tu ne vois pas que la personne est en train d'invoquer un mort. Tu ne vois pas que la personne est en train de faire une aumône pour un mort. Tu vois que la personne, elle le fait lillah. Un polythéisme qui est caché. Mais dans son cœur, cette personne, elle est touchée par l'ostentation. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yakumu rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin ilayhi. Un individu qui se tient et qui prie, il embellit sa prière à cause du fait qu'il voit qu'un homme le regarde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plus peur du polythéisme mineur nous concernant que du Messie Ad-Dajjal. Aujourd'hui, les gens, ils sont là, ils regardent des vidéos YouTube, Dajjal, il est comment on va faire le Dajjal, comment on va faire. Yahri, déjà, regarde ton intention. Déjà, apprends concernant ton intention, il faut que tu fasses très attention à cela, que ton intention soit lillah, purement. Que tu ne fasses pas quoi que ce soit pour les gens. Et ici, il y a un point important aussi, c'est que dans ce hadith, les compagnons, ils étaient en train de réviser avant que le prophète ne vienne. Ils révisaient les sujets concernant le Dajjal. Et donc, ils révisaient. Et c'est là que le prophète il leur a dit, « Puis-je vous informer ce qui me fait le plus peur vous concernant que le Dajjal ?» Et donc, les compagnons, ils révisaient ensemble. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on comprenne ce sujet, le fait de réviser. On est là, on assiste à des cours, on apprend. Mais la révision... C'est important qu'on ait de la révision, on est là, on fait des assises. Assalamu alaikum frère Aïssa, t'es là, ouais bien, alhamdoulilah, ça va, barakallahu fik. Est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui, j'ai envie de réviser tel et tel sujet, je crois qu'il y a des trucs que j'ai oubliés et tout. Est-ce qu'on peut se poser, on révise ensemble? Ok, pas de problème, j'arrive, on fait ça entre Marab et Isha. Ok, yallah. Les frères, ils se posent, révision. On révise tel et tel sujet qu'on a étudié. Mais c'est très difficile de réviser un sujet qu'on a étudié si la base, le sujet, on ne l'a pas noté déjà. Là, après, ça devient très difficile. Très, très difficile. Donc déjà, avant de parler de révision, il faut déjà parler de notes. Et sans oublier que celui qui est ostentatoire dans ses œuvres, Allah Tabaraka wa Ta'ala va le dévoiler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit comme dans Sahihain, Man samma'a samma'a Allahu bi wa man ra'a ra'a Allahu bihi. Celui qui accomplit un acte recherchant les éloges des gens, alors Allah va le dévoiler en faisant en sorte que les gens parlent de cela. Et celui qui accomplit un acte, recherchant le fait que les gens le voient, alors Allah va le dévoiler en faisant en sorte que les gens voient cela, voient la réalité. Que cette personne... Comment ? Ici-bas. Non, il sera dévoilé. Ça peut être ici-bas, ou ça peut être dans l'au-delà, ou ça peut être les deux. La parole, elle est générale. Dans l'au-delà, c'est sûr. La parole, elle est générale. Ah, ok. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on comprenne cela. Que nos actes d'adoration soient exclusifs à Allah, tabaraka wa ta'ala. On continue ce sujet la semaine prochaine. Bi'inillahi ta'ala wa faqallahu jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيراً